Conte de Noël. Qu'il est doux d'écouter des histoires du temps passé, quand les branches d'arbres sont noires, quand la neige est épaisse et charge un sol glacé. Alfred de Vigny, La Neige, 1906. Nuit de Noël à Jean. 1. L'arbre de Noël, un robuste sapin de la montagne, s'élève droit, imposant et un peu nu, dans la grande pièce lambrissée de vieux chênes. Ses bougies, en trop petit nombre, éclairent mal les coins délabrés, mais dans la haute cheminée, une énorme bûche envoie sur le plancher, soigneusement lavée, sur les meubles, modestes et brillants, une chaude et joyeuse lueur rouge. Sapins et bûches viennent de la grande forêt silencieuse, où la brise de la montagne éveille en passant la senteur humide des feuillets. La forêt majestueuse, aux profondeurs de cathédrales, où la lumière filtrant à travers les rameaux sombres fait sur l'épais tapis d'aiguillettes rousses qui cèdent sous les pas une ombre mauve, mystérieuse et douce. On a vu grandir l'arbre auprès de la clairière aux myrtilles. C'est un ami. Voilà déjà longtemps qu'il était destiné à faire la joie de la veillée de Noël. Le père Jousse, possesseur de ce coin de bois, l'avait promis aux enfants du pasteur. « Vous voyez ce sapin, leur disait-il, il est pour vous quand il sera assez gros. Lorsque vous le verrez tout allumé dans votre maison, un soir de Noël, vous penserez, c'est le père Jousse qui l'a élevé pour nous. » Il n'est pas un ingrat, le père Jousse, que diable. Il n'ouvre pas les soins et les remèdes que votre maman a donnés à sa pauvre vieille quand elle a pensé mourir. La bûche aussi vient du bois du père Jousse, c'est encore une amie. N'est-elle pas une branche de ce grand mélèze, frappé par la foudre et couché par terre comme un géant mort? Que de fois l'été il a servi de banc à toute la famille, que de fois les petits ont couru sur son dos arrondi. C'est pour cela qu'elle brûle si bien la grosse bûche. De son centre embrasé sortent 1000 petites langues bleues et jaunes. De temps en temps, elle lance une fusée d'étincelles, comme pour rire aussi, quand les autres rient. Ils ont ri tout le temps, pensez donc, 4 vigoureux enfants. Un garçon de 10 ans, une fillette de 9, et 2 garçons de 5 et 4 ans, au fond d'un coin perdu des Cévennes, dans un vieux presbytère, ancien château en ruine, perché sur le flanc de la montagne au-dessus d'un torrent, et qui laisse passer le froid et le vent par toutes ses fentes. Or, il est sillonné de lézardes, comme un vieux visage, de rides. Les contrevents vermoulus tiennent à peine. Il faut absolument être gai. Il faut savoir se suffire à soi-même. Il faut s'aimer bien fort pour oublier les privations sans nombre que la mauvaise saison amène avec elle. Maman, la douce et jolie maman blonde, toujours occupée des autres, et grand-mère si vaillante, si vive encore, ont beau s'ingénier, faire des miracles, tirer des ressources de rien, accumuler pendant la saison chaude provision sur provision, penser à tout, prévoir tout, l'hiver est cruel. Et il dure tellement qu'il n'y a presque pas de printemps et d'automne. L'été, par exemple, c'est autre chose. L'été, c'est fête tout le temps. À peine la dernière neige est-elle fondue que les champs se couvrent d'une verdure intense. La forêt devient le domaine des enfants. Elle leur livre ses trésors, fleurs, mousses, lichens, lierres, myrtilles surtout. Agenouillés devant les plantes moins hauts qu'eux, les petits, de leurs doigts agiles, portent sans s'arrêter les baies d'un noir bleuté de l'arbuste à leur bouche gourmande et barbouillée. Le torrent qui coule maintenant si frileusement sous le presbytère se réveille alors, subitement gonflé, et chante sa joyeuse chanson. On va pêcher ces truites pointillées de rouge qui se cachent si bien sous les pierres plates, ces petits poissons d'argent qu'on prend tout frétillant à pleine bouteille. On se baigne en son eau cristalline. On accompagne papa dans ses tournées. Les rues de Montagnard aiment les blonds enfants du pasteur. Ils ont toujours quelque chose à leur montrer. Un veau nouvellement né, une portée de lapin. D'ailleurs, s'il est formellement défendu de rien demander, il est bien permis d'accepter. Le pain bis est si bon avec une épaisse couche de beurre frais. Puis lorsqu'on a été très sage, on va avec maman et grand-mère au marché des environs, faire les approvisionnements. La vieille carriole est attelée. Le chemin monte et descend tout le temps. Quand il monte, il faut s'avancer sur le devant de la voiture, pour ne pas souveler le pauvre Ali, qui n'est pas trop fort pour tout ce monde. Quand il descend, il faut se masser en arrière et faire contrepoids, la carriole n'ayant pas de frein. Dans les boutiques du bourg, il y a des merveilles. Des jouets depuis 5 centimes jusqu'à 2 et 3 francs. Et les sucres d'orge dans les bocaux de verre, et les animaux en sucre rose, et les billes, et le chocolat enveloppés dans des images. S'il en était bien obéissant, et si l'on ne s'est pas fourré sous les jambes des chevaux, dans la place encombrée de charrettes, si l'on n'a rien demandé, si l'on ne s'est pas perdu au milieu de la foule, on a droit à une petite récompense. Mais l'hiver, rien de tout cela. La neige, toujours la neige. Les visites sont impossibles. La neige comble les routes. Et rien que pour ouvrir la porte extérieure, il faut déblayer les environs. Ou bien, s'il a gelé, le chemin est une glissoire très amusante, mais beaucoup trop dangereuse. Quand le temps est beau, que la neige durcie resplendit sous un clair soleil, on attelle Ali et l'on va en traîneau. C'est très amusant, mais il fait si rarement beau. Aussi, comme les journées sont longues à voir tomber les flocons blancs derrière les vitres, et comme on attend Noël, maman et grand-mère ont fait leur commande à Paris, à la belle saison, quand le facteur venait tous les jours encore, et que l'on pouvait aller chercher les paquets à la station du chemin de fer, très loin, là-bas, dans la plaine. La caisse est arrivée depuis longtemps avec cette inscription en noir, « Bon marché fragile ». On l'avait mise dans la chambre d'amis, toujours pleine en été, mais vide en cette saison. Les enfants pouvaient aller la voir et tâcher de deviner ce qu'il y avait dedans. Défense d'y toucher, par exemple. Depuis une semaine, la caisse avait été ouverte et l'entrée de la chambre d'amis interdite aux enfants. Ils s'étaient engagés sur l'honneur à n'y pas pénétrer et avaient tenu parole. On regardait bien par le trou de la serrure, mais la clé empêchait de voir. Maman et grand-mère étaient très affairées. Elles préparaient les belles chaînes de papier de couleur, les papiers pour les bonbons, les noix dorées. Elles mettaient des ficelles aux biscuits, aux pommes conservées tout exprès pour l'arbre. Enfin, le grand jour est arrivé. Le sapin du père Jousse, déraciné et transporté par Chamet, le charron, est là, paré, brillant. Comme il est beau, comme il a l'air majestueux et grave. Il est en céramo flexible d'un air de douce protection. Il semble dire « Me voici, mes petits amis. Je suis envoyé par des cœurs reconnaissants. J'ai quitté pour vous la forêt où j'ai grandi libre et heureux. J'ai secoué dehors ma robe blanche pour venir orner ce soir vos demeures, toujours ouvertes à ceux qui souffrent. Aussi mes branches portent avec joie pour vous, jouets et friandises. Réjouissez-vous avec moi. » Ah, il n'est pas besoin de le dire, de se réjouir. C'est déjà un tapage infernal. Grand-mère se bouche les oreilles. Papa et maman demandent en vain le silence. « Voilà mon cheval de bois, voilà mon cheval de bois !» cria tue-tête Odet, le plus petit, gros bonhomme joufflu, dont les grands yeux noirs brillent comme des diamants sous ses boucles dorées. « Eh bien, voilà ma trompette, ma belle trompette que j'ai demandée !» dit Jean, joli garçonnet de 5 ans, blond aussi, mais plus frêle, dont les yeux bleus profonds, les traits délicats et volontaires, forment un parfait contraste avec la rondeur naïve de son cadet. « ma poupée !» s'écrie en extase Marie, l'unique fille, la petite maman déjà sérieuse de ses frères. Elle est bien plus belle que la poupée de grand-mère, que j'aime bien pourtant. Elle a des cheveux, de vrais cheveux d'enfant qu'on peut peigner, et non pas un chignon noir en porcelaine, comme l'autre. Elle est justement habillée de bleu, comme je le désirais tant. « et moi, je vois le couteau de grand garçon dont j'avais envie !» s'exclame François, le fils aîné, l'homme en second de la famille, l'ami et le compagnon de son père. Je n'espérais pas qu'on me le donnerait encore. Il a une serpette pour couper les bâtons et pour les tailler. Quel bonheur! Faisons une ronde autour de l'arbre, tu permets, papa? Certainement. Venez, Mariette, dit François à la vieille bonne, qui contemple l'arbre, sûre, elle aussi, de n'avoir pas été oubliée. Et les voilà qui tournent comme des fous jusqu'à ce que les petits tombent exténués. Maintenant, c'est assez, dit le père. Venez vous asseoir un tout petit moment là, auprès de la grande bûche qui donne si chaud et qui brûle si bien. Je vous expliquerai ce que c'est que Noël et pourquoi nous sommes si heureux quand c'est Noël. Je le sais, dit Jean, Noël c'est quand Jésus est né dans une crèche. Et pourquoi sommes-nous si contents quand c'est Noël? Je le sais, moi aussi, dit Odette, dont la figure épanouie s'épanouit encore. C'est parce qu'il y a un arbre avec des joujoux et des pommes, et des gâteaux, et un pudding qui brûle avec du rhum, à dîner, et parce que nous restons levés jusqu'à 10 heures, comme les grands, et que tu nous racontes de belles histoires. Et que le lendemain nous trouvons des jouets dans nos souliers, reprend Jean. Oui, mais pourquoi nous les grands fêtons ce jour-là en vous donnant toutes ces joies? Parce que vous êtes un bon papa et une bonne maman et une bonne grand-mère, et que vous nous aimez, dit en rougissant la blonde Marie. Oui, sans doute, mais c'est aussi parce que nous sommes contents nous-mêmes. Et nous sommes contents parce que la nuit de Noël, il y a plusieurs siècles, dans les champs de la Judée, comme les bergers gardaient leurs troupeaux, tout à coup ils ont vu le ciel s'ouvrir, une grande multitude d'anges apparut. Et qu'est-ce qu'ils disaient, François? Paix sur la terre, bonne volonté parmi les hommes. Oui, et cela veut dire homme de la terre, Dieu vous aime malgré vos péchés, puisqu'il vous envoie son Fils pour vous sauver. Alors, suivez son exemple, aimez-vous bien fort, vous aussi les uns les autres, et puisqu'il vous sacrifie ce qu'il y a de plus précieux, vous, à votre tour, sacrifiez-lui vos haines, vos querelles, votre égoïsme. Soyez en paix entre vous, ayez de la bonne volonté, de la bienveillance les uns envers les autres. Vie, dit gravement Odette, et quand on donnera les affaires? Tout de suite, mon bonhomme, je vois que vous êtes trop impatient pour m'écouter. Après, vous serez peut-être plus attentif. À ce moment, un coup de marteau vigoureux retentit dans le silence de la nuit et fit trembler la vieille maison. Qui peut bien venir à cette heure et par ce temps horrible, car il neige à gros flocons, dit grand-mère avec inquiétude, en regardant à travers les doubles fenêtres, à un endroit où le contrevent manquait. Je vais voir, dit monsieur Balprat. Moi aussi, je voudrais voir. J'irai avec toi, disent les enfants. Non, mes petits, il ferait trop froid dans la cour. Attendez-moi, je reviendrai avec celui qui frappe. Quel qu'il soit, il aura une place auprès de la bûche de Noël. Tous écoutent, anxieux. Au bout d'un temps assez long, car il faut dégager la porte, on entend un double pas d'homme. Puis le pasteur entre, suivi d'un grand montagnard. Celui-ci enlève sa cape, alourdie par la neige, et secoue ses bottes sur le seuil. Bonsoir, mesdames et la compagnie, dit-il d'une voix forte. Bonsoir, monsieur, lui répond-on. Lucie, vite un grog à monsieur, dit le pasteur à sa femme. Il vient de loin et le froid pince terriblement. La jeune femme se hâte de préparer la chaude boisson, mais elle ne peut s'empêcher de dire en la lui présentant. Vous ne venez pas chercher mon mari, j'espère, monsieur. Il fait trop mauvais pour sortir ce soir. Je vous fais pardon, madame, dit l'homme, tout honteux de troubler la jolie fête de famille. C'est pas pour moi, c'est pour ce pauvre mal-en-point de Père Lecointre. Il est tombé d'une attaque en sortant du cabaret, ce matin, et il est quasiment mort à cette heure. Et sa femme m'a dit comme cela, Voisin Leblanc, allez donc prier, monsieur le ministre, qu'il vienne voir mon pauvre homme qui est bien peu en état de paraître devant le bon Dieu. Qu'il vienne pour l'amour du Christ. S'il mourait sans avoir entendu une bonne prière, je ne me consolerais jamais. Et je suis parti, car la pauvre vieille me fendait le cœur tant elle pleurait. Mais je vois que je tombe bien mal ici dans cette fête. A-t-on fait chercher le médecin? Demande grand-mère. Non, on ira demain matin. C'est qu'ils se font payer gros quand on les dérange la nuit. Et avec ce temps, les médecins. Alors le danger n'est pas très pressant, dit la jeune femme. Tu pourrais bien attendre le jour, toi aussi. Fred, comme le médecin. Mais un regard sévère de son mari la fit s'arrêter, confuse. J'irai, dit-il simplement. Vous savez qu'il neige à gros flocons. Les chemins disparaîtront bientôt, la nuit est horrible, pas une étoile ne se montre. Vous vous perdrez. Fred, pensez à mon anxiété, à celle de votre femme, de vos enfants. On a tant besoin de vous ici. Songez-y, dit grand-mère, suppliante. Au moins vous retournerez avec monsieur Malprat, ajouta-t-elle. En s'adressant aux visiteurs. Ah non, par exemple, je vais coucher à l'auberge, je ne m'aventurerai pas une seconde fois sur la neige, surtout maintenant qu'il fait nuit. Je fais ma commission, moi, mais si j'ai un conseil à donner à monsieur le pasteur, c'est de patienter jusqu'à demain lui aussi. Nous partirons ensemble, alors pour sûr, nous nous tirerons d'affaire. Et si le cointre meurt cette nuit? Tant pis, ma foi, ce sera pas de notre faute. Il n'avait rien qu'à ne pas se griser au cabaret, comme un pas grand-chose qu'il est, pour être saisi par le froid à son âge. Lucie, ma chérie, est de la complaisance de préparer ma grosse pelisse fourrée, mes bottes pour la neige. Le fez que tu m'as porté de Nice l'an dernier, il tient bien chaud, mes gants de laine. Vous, Mariette, vite, un morceau de n'importe quoi, là, sur le coin de la table, je vous prie. Puis j'irai sceller Ali, et nous partirons. Il est 6 heures. À cause de la neige, même en marchant bien, nous ne serons pas arrivés avant minuit. Nous attendrons le jour pour repartir, et nous serons de retour demain, vers l'heure du déjeuner. Mais au moins, ne t'en va pas avant d'avoir donné les joujoux. Oh papa, nous ne voulons pas fêter Noël sans toi, dit François. Pense comme nous serons tristes, alors que nous serions si heureux si tu restais. Oui, mais moi, je ferai le contraire de ce que je prêche. Vous vous souvenez de ce que je vous disais il y a un instant à peine, à propos de Noël? Eh bien, que cela me dérange ou non, je dois avoir la bonne volonté d'aller répéter à ce vieillard qui va mourir justement ce que les anges annonçaient à la terre il y a 2000 ans bientôt. Que Dieu l'aime et qu'il lui pardonne s'il se repent. Il n'y a pas un instant à perdre. Songez donc, si à cause de vos joujoux j'arrivais trop tard, quel remords! Les petites ne l'écoutaient pas. Il pleurait et s'accrochait à ses jambes. Reste, papa, reste pour la veillée, disait Jean. Tu as promis de raconter des histoires. Maman le fera à ma place. Elles ne sont pas aussi jolies que les tiennes, les histoires de maman. Et le pudding, papa, ajoutait Odette, il ne sera pas bon sans toi. Vous le garderez pour demain. Tu vas t'égarer, oh papa, ne pars pas ce soir, je t'en prie. Attends à demain, suppliait Marie. Ne crains rien, petite folle, je connais la route. Demain, à dîner, si vous avez été sage, nous mangerons le fameux pudding, et après je vous raconterai des histoires. Cela fera que vous en aurez eu 2 fois au lieu d'une. Et nous serons beaucoup plus heureux qu'aujourd'hui, parce que j'aurai fait mon devoir, tandis que si je restais ce soir, nous penserions tout le temps au père Lecointre, ce qui ne serait pas drôle. Voilà, je suis prêt. Adieu, mes bien-aimés. Soyez sans inquiétude. Vous petits, amusez-vous bien avec vos joujoux. Et emmitouflé dans sa pelisse fourrée, ses beaux cheveux noirs cachés à moitié sous son fez rouge, le pasteur quitta la chambre, les yeux rayonnants de jeune vaillance et de bonté.